le diable va taper. Barbere, barbere, tapere, genre ma tapere. J'sais pas combien, j'ai tendance à bloquer par l'ombre. Disons que dans tous les cas, je vais cartonner. J'remplis les mesures de feuilles blanches. Pour moi, tous ces mics ont des gueules d'anges. Plusieurs vies, une seule danse. Plus une table pour les écarteler. T'as pété ça, sa robe de mariée sur son profil Tinder. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demande d'un chromo dealer. Je mets un poids multicolore, j'ai le flow d'un tapis twister. Monde de suiveurs, sans la liqueur, mais la petite sœur à pire, ouais, j'arrive à leur enculer. Pourquoi tu poses une photo panique quand tu froid? Smiley, smiley, smiley, smiley sur le troisième doigt. Je les aide à percer, en fait je les aide à prendre la grosse tête. Je préfère celui qui flex à celui qui fait semblant d'être modeste. Je vais être honnête, j'aime les problèmes, je suis parano, je suis connu, cache la cam avec une gommette. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Ballou ferme là pour toujours, dis-moi qui dit le whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Fini le, fini le, fini le, fini le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier fini le. 8001, 10001, 10001. Mon patron m'a dit je suis sur contre-verre à dissipe, dissipe. Ça perd les prophètes, parle pas des ex, parle pas des prophètes. Ça parle chinois, au mieux ça sait faire des fautes d'orthographe. J'suis dans des beaux draps, j'voulais sauver le monde et puis j'étais clair. Mes yeux sont fermés comme si j'avais tout vu. J'pense comme un documentaire sur YouTube. Avec la musique de Requiem for a Dream, la guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulue. Ça noircit les poumons, ça jaunit les moulures. J'suis seul au monde, il me faut de la monnaie, plus que ça l'homo. J'fais pas l'aumône, j'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur. J'écris des poèmes, j'ai même pas de culture. Crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas. Enfant soldat n'a pas vraiment de futur. C'est froid et lugubre dans les environs et le pipo est joli. Chacun sa diction, deux cœurs dans les yeux juste avant l'aubergine. Ça fait plus mignon. Je vais faire des millions et puis des milliards. Racheter le pouvoir, risquer les impôts. Comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot. Quand j'avais pas de buzz, quand j'étais pas beau. Entre nuit fauve et noce rebelle, ça y est, j'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je retombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisses de rupture qu'on a consommé de nuit de noces. Enfoirés, c'est nous les enfants du divorce. Ouais. Et vite rayon du soleil comme chauve-souris, tête à l'envers, rien n'a changé. Les gars, qu'est-ce qu'on glande aujourd'hui? Sûr qu'on va se détruire comme la dernière fois. Et le problème, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois. Merde, merde. Esprit éclairé, mais une mode de vie sombre. C'est le premier album et j'arrive on flic. Missile dans vos mères, j'ai tous vos Kim Jong. Et passe-moi la liqueur, c'est de la Volvic. Tu demandes pourquoi la tente était si longue. C'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe. Et si tu me follow, je peux viser juste pour te foutre en l'air comme au beer pong. Ding. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Ballou ferme la pour toujours, dis-moi qui dit le whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Fini le, fini le, fini le, fini le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier fini le. 8001, 10001, 10001. Mon patron m'a dit je suis sur contre-verre à dissipe, dissipe. Skyrock, premier sur le rap. 16-year-old bitch. They can't take it to 10. I got hoes calling a young nigga phone. Where's Ali with the motherfucking dog? Bitch, I be balling like a motherfucking pro. My nigga Mo, bitch, check West, I ain't a motherfucking joke. Steph West. Oh, fuck, shit, yeah. Bitch. Yeah, Shrek, what shit, I'm getting really rich. See how I caught it, cause I'm really with the shit. See me in the streets and I be really with a bad bitch. Bitch, niggas straight rock, rock. Niggas straight see me, when they see me, they be copping. I'm the best drug dealer, nigga, come and cop it. Yeah, Shrek, what's up, like the fucking Green Goblin. Non-stop. Skyrock. Laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talents, des talons. Mais ça suffit plus. Maintenant ce qu'ils te souhaitent, c'est que du malheur. Gros talent. Ciao et là. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc.

Skyrock. Et ça c'est le jeu d'une de gagne.

éclairé, éclairé par les gyrophares. Débrouillard, éclairé, éclairé par les gyrophares. Rap, rap and R&B. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Je suis Amaranello. Choisis ma Ferrari, je reçois un message de corps, je dois poser pour taxi. J'suis en bombe, j'suis en bombe. Fais-toi bonne, fais-toi bonne. J'suis en stone, j'suis en stone. On est stone, on est stone. J'suis en bombe, j'suis en bombe. Fais-toi bonne, fais-toi bonne. J'suis en stone, j'suis en stone. On est stone, on est stone. J'prends le volant quand j'suis laid, oui. J'veux que tu danses quand j'suis laid, oui. Santana, Santana, Santana, Santana. Bébé veut sortir mais y'a match à la télé. Demain j'achète sac Fendi pour me faire pardonner. Bébé ne poste pas cette photo sur Insta, ça clash de fou. Fouille le jean avant de faire une machine blanchie par mes sous. J'suis le roi de ma ville et Condé s'agenouille. De ma ville à ta ville, j'prends taxi, alléluia. J'vais acheter un navire grâce à streaming et à Zumba. Tu me portes la guine, ma maman m'a porté pendant 9 mois. Dans le rap j'ai trop d'enfants, j'les donne aux marchands blancs. J'ai renversé du que déjà. Je la remets pas, et toi je ne te remets pas. Léoué dans la boîte, tu veux invite, je te vois. Même quand c'est Shabbat, mon bas veut répondre au coup de fil. La Rolex est en or rose, j'ai plus l'âge de distribuer les doses. Néglige le gamos, à ras du sol je me tape des bosses. Béni Vidi Gucci, j'ai tout acheté sur la tête de mes gosses. Tu colles la petite, mais toi tu dis que t'as un réseau de shit. Dans le rap j'ai trop d'enfants. Les dons nous marchent en blanc. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Hey, viens de sauver. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, 9-3 Empire. Hey, si tu savais pas, maintenant tu sais. Approchez. L'envie à l'Empire éternel, on va leur montrer. Que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes. Depuis l'époque des pompes, tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé. J'arrive des pères sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême. Et t'oses encore demander qui c'est qui nique. On a juste planté les graines gros. Ça pousse